Sigue charla Manuel Valls. Si il y a toujours besoin d'éléments, c'est qu'il y a encore une chaîne neuromusculaire. Donc on ne fait pas ça. Y si todavía está necesitando el elemento, significa que todavía existe una cadena neuromuscular y entonces no llegamos aquí. Je vous l'ai dit déjà quatre fois avant. On ne fait la chaîne neuromusculaire qu'à partir du moment où on a neuroarticulaire, qu'à partir du moment où il n'y a plus de chaîne neuromusculaire. Haremos el neuroarticular a partir del momento que no tengamos neuromuscular. Si on commence à dire ah oui mais si. Si no seguimos esta línea y empezamos, ay, pero aquí, pero ta, es una locura. La chaîne neuroarticulaire, c'est quand j'ai réglé tout le reste. La cadena neuroarticular lo haremos cuando ya está solucionado todo lo demás. Una pregunta. Cuando tienes el posturodinámico analítico, para saber si es dorsal, superior o inferior, ¿cómo era exactamente? ¿Lo podéis repetir? Mais juste, on va. Quand on examine un dos, imaginons, on va dire, tiens, par exemple, la D9 est dysfonctionnelle. Imaginons, par exemple, que es la D9 la que está dysfonctionnelle. La D8, pour l'instant, on imagine que c'est ça le cas, mais j'en sais rien. Il faut que je la trouve. Nos imaginamos que tenemos la D9 que está así, pero todavía no sabemos, ¿eh? Si vous avez la D9 dysfonctionnelle, la D8, elle ne va pas marcher exactement normalement. Ce n'est pas une vertèbre qui tourne toute seule. Enfin, qui ne tourne pas toute seule. La D8, seguramente, no irá perfecta, no se va a girar. Voilà, elle ne va pas être bloquée, mais elle va être limitée un petit peu quand no même. No significa que estés bloqueado, pero sí que va a estar algo limitado. Peut-être la D7 un petit peu aussi. La D7 seguramente también algo. Et la D6 va aller mieux, et puis D5, D4, ça va bien fonctionner. Y luego la D6, 5, van a estar ya mejor. Et pareil en dessous de D9. Y eso pasa de la misma manera, pero a nivel inferior. Donc moi je me dis, tiens, je vais regarder si c'est celle du haut, je me mets environ vers D6. Entonces, como me voy a poner a nivel de D6 para ver si está por aquí. Et je regarde, ah, D6, ça se passe bien. Et veo y digo, ah, pues mira, la D6 va bastante bien. Donc je me dis, bon bah, c'est plutôt, je sais pas, je descends, je me mets, je sais pas, sur D10. Et entonces digo, pues bueno, un poquito más abajo. Por ejemplo, me voy a poner en la D10. Et là, je vais voir, ah, ça bouge, mais c'est pas parfait. Y aquí veo, ah mira, se mueve, pero esto no va perfecto. Et bien, je vais remonter un petit peu plus. Y entonces, voy a subir un poquito. Et là, D9, ah, c'est bloqué. Y veo, ay mira, la 9 está bloqueada. Je remonte encore un peu. Subo un poquito más. Ah, là, ça se remet à bouger. Bon, ben, j'ai bien ma D9 qui est dysfonctionnelle. Y veo que aquí sí que hay otra vez movimiento. Entonces, sabemos que es la D9 la que es dysfonctionnelle. Donc, en coupant en deux, peu importe où vous vous mettez, vous allez voir s'il y a un mouvement normal ou s'il commence à être limité. Entonces, si partimos en dos, las dos salas, no importa exactamente por dónde, sabremos por qué zonas es donde no hay movimiento. C'est pour ça qu'on dit, bon, voilà, là, ça ne bouge pas bien ici, là, en gros, je teste, quand je me mets sur une, je teste cet ensemble. Aquí cuando me pongo encima de uno estoy testando un poquito el conjunto. Soit je suis sur la disfuncionnelle et je suis complètement bloqué. Puedo estar encima de la disfuncional y estoy totalmente bloqueada. Soit je suis au voisinage de la disfuncionnelle et je vais déjà avoir un mouvement un peu limité. Oh, puedo estar en un vecino de la disfunción y entonces puedo tener un movimiento limitadito. Donc bon, il y en a 12 des vertèbres dorsales, ça fait pas non plus 3 mètres. Donc en deux petits tests, on a déjà une idée, parce que c'est plutôt vers le haut, plutôt au milieu, plutôt vers le bas. Et nous avons 12 vertèbres dorsales, tampoco es que tengamos 3 mètres de vertèbres. Et donc, pues bueno, empezamos un poquito por abajo, un poquito por arriba, para situar la... donde está el problema. Ça va? Sí. Donc, au niveau cervical, c'est un petit peu difficile de faire ce testing. À niveau cervical, faire ce test est un peu difficile. Donc, on utilise la manœuvre des pouces, comme vous l'avez fait sur le sacrum, c'est pareil, on fait au niveau cervical. Et donc, ce que nous allons utiliser de la manœuvre des pulgares, comme à niveau de sacrum, nous allons faire à niveau cervical. Et on sait en plus que les cervicales sont très fréquemment secondaires à une dysfonction qui est plus basse. Et nous savons que les cervicales sont très fréquemment. J'ai dit une fois. Oui, secondaires. Secundarias ou adaptatives à une dysfonction inférieure. Et vous comprenez pourquoi ça? Entendez pourquoi ça passe à ça? Alors, en fait, c'est cette zone, elle doit être mobile. Lo que significa es que esa zona tiene que estar móvil. Mais mobile, elle va pouvoir être bien mobile si en dessous ça fonctionne bien. Va a poder estar bien móvil si todo lo que hay abajo funciona bien. S'il y a un blocage en dessous, si bloqueo, abajo, elles vont devoir faire beaucoup plus de travail et donc elles risquent d'être en dysfonction. Donc, ça c'est une règle générale, on va toujours vérifier que plus bas, ça va bien. Esto es una regla general. Siempre vamos a verificar que abajo todo va bien. Et si tout va bien en bas et qu'on a un problème en haut, alors à ce moment-là, le problème il est bien en haut, ça arrive aussi. Et quand tout est bien abajo et le problème est arriba, vamos a decir que le problème est arriba et esto también puede llegar a passer. Et même si je dois traiter le haut, ça sera toujours mieux s'il y a une dysfonction, admettons, en haut et en bas, s'il y a les deux. Por ejemplo, si tenemos un conflicto que está arriba y abajo, et peut-être il va falloir traiter les deux, y quizá haya que tratar los dos, mais il faut toujours vérifier que la base est bien fonctionnelle, lo que hay que verificar es que la base sea bien funcional, et que le haut peut s'adapter. Y que la parte alta se pueda adaptar. C'est ça le principe de base. Este sería el principio básico. Donc on regarde le pouce qui monte. Vamos a ver el pulgar que sube. Et souvent donc ça va monter d'un côté puis à un moment ça va monter de l'autre. A veces se va a subir de un lado y luego de repente se sube del otro. Le moment où ça s'inverse. En el momento que esto es a la inversa. Ça vous signe l'endroit de la dysfonction. Es donde tenemos el lugar de la disfunción. Donc, vous avez vu le testing couché. Hemos visto el testing tumbado. Et là, on vous a montré comment faire une interrelation pour savoir si j'ai une dysfonction, est-ce qu'elle est libérée quand je stimule les dorsales. Y os hemos enseñado cómo podéis hacer una interrelación, por ejemplo, así, liberando las dorsales. O alors, quand je stimule les lombaires. O cuando estimulo las lumbares. Donc, ça nous permet de confirmer que c'est bien adaptatif. Y esto nos permite confirmar que realmente son adaptativas. Cuando he dicho que sube un dedo cuando hacemos masaje en las cervicales, que cambia el dedo que sube. O sea, si cambia el dedo, es el dedo que sube en el lado de la disfunción. El de manca, ¿se le conté timón o...? En fait, Bon, qu'est-ce que ça veut dire un pouce qui monte? Qu'est-ce que significa el que sube un dedo? Qu'il y a une tension. Qu'il y a un côté plus tonique et un côté plus tonique. Qu'il y a un lado que es más tonico. Or, nous ne sommes pas 50-50, 50% d'un côté, 50% de l'autre. Nosotros no solemos estar a 50-50 de un lado y del otro. Quasiment tous, on a un côté plus tonique, physiologique. Casi todos tenemos un lado que es fisiológico, que tiene más tonico. Donc quand on va regarder à ce niveau-là, où c'est une zone qui va faire beaucoup de mouvement, si, también, valoramos una zona que está aquí y que va a tener mucho movimiento, vous allez quasiment toujours trouver un pouce montant. Casi siempre vais a encontrar un lado que sube. Et c'est logique de trouver le pouce montant du côté du pied d'appui. Y es lógico encontrar que sube el dedo del lado del pie de apoyo. Donc en fait, souvent, si vous avez une idée du pied d'appui, vous allez voir, ça monte du côté du pied d'appui, ça on va dire c'est physiologique. Y entonces, si sube del pie de apoyo, del lado del pie de apoyo, lo que vamos a decir es que es fisiológico. Et s'il y a une dysfonction, eh ben ça va perturber la tonicité normale et donc ça va faire passer la tonicité de l'autre côté. Et lo que va a pasar es que esto va a perjudicar el tono normal y va a pasar el tono al otro lado. Après pour dire de quel côté la dysfonction. Entonces, para decir de qué lado está la disfunción, en qué, dónde está la disfunción. Si elle se maintient, si elle est libérée par le reste, j'oublie mes cervicales. Si se libera cuando hacemos el resto, nos olvidamos de las cervicales. Mais si ça reste vraiment, il y a des cas où il y a vraiment une dysfonction cervicale. Pero si esto se queda, si realmente existe una disfunción cervical. Ben là, vous allez aller palper au niveau des cervicales. Faire la palpation directe au niveau des cervicales. Entonces vais a ir a hacer la palpación directa en las cervicales. Et vous avez dû voir avec le test des barres oppresseurs, aller stimuler sous pied et voir quel est le côté qui va relancer. Y habéis aprendido cómo con los barres opresores podéis estimular la zona y ver el lado que se relanza. Parce qu'en fait, on ne raisonne pas où est la dysfonction. No vamos a razonar dónde está la disfunción. On va plus s'intéresser à où est-ce que je dois stimuler pour libérer la disfunction. Lo que nos interesa es dónde tengo que estimular yo para liberar esa disfunción. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre la vision plus médicale, comme vous avez pu le voir pour la sciatique. Aquí está la diferencia de una visión más médica, por ejemplo, como hemos visto en la sciatica. Como hemos visto la escoliosis. Comme j'ai fait un cours sur la sciatique. Et la vision plus posturologique, plutôt que d'essayer de voir quel est l'os qui est dysfonctionnel. Y la visión más posturológica, que más que ver cuál es el hueso que es quelle est l'articulation qui est dysfonctionnelle. Más que ver cuál es la articulación que es disfuncional. On va plutôt aller interroger les tissus pour qu'ils nous disent où est-ce que je dois traiter. No, vamos a preguntar a los tejidos dónde tengo que tratar yo. Parce que vous l'avez vu pour la scoliose, il y a plusieurs types de dysfonctions. Habéis visto para la escoliosis, puede haber muchos tipos de disfunción. Soit je passe du temps à rechercher quelle est la dysfonction. Si yo paso tiempo buscando estas disfunciones. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose que la scoliose. Pero no significa que haya autre chose que sí, la scoliose. Pero hay más cosas que la scoliosis. Donc à ce moment-là, après, il va falloir que je réanalyse encore autre chose. Y tengo que volver a analizar otras cosas. Ou alors, je décide d'interroger les tissus dans leur ensemble. Ça, c'est ce qu'on apprend plus avec le côté DNS. Puedo preguntar a los tejidos. J'interroge les tissus pour savoir où se situe la dysfonction la plus importante. ¿Dónde se sitúa la disfunción más importante? Et après, je vais regarder est-ce que j'ai eu une libération sur l'ensemble du corps. Y luego miro a ver si existe una liberación en el conjunto del cuerpo. Ah, donc on peut faire des analyses différentes. Podemos hacer análisis diferentes. Suivant comment on envisage le traitement. Siguiendo como nosotros encaramos. Suivant le type de traitement que l'on sait faire. Según el tipo de tratamiento que sepamos hacer. Si on veut donner un médicament. Si queremos dar un medicamento. Il faut faire une analyse. Tenemos que hacer una analítica. Si je fais de la thérapie manuelle globale. Si hago la terapia global, manual. Informationnelle. Si hago la terapia manual informacional. J'ai pas besoin de faire une analyse articulaire. No me hace falta hacer un análisis articular. C'est juste pour essayer de voir comment tout ça s'articule. Es para que veáis un poquito cómo se articula todo esto. Je vais redevenir concret. Para ser concreto. Reprenons le cas de la scoliose, que c'est tout frais. Por ejemplo, cogiendo el caso de la escoliosis, que está muy fresco. Vous trouvez qu'il y a un problème structurel. Veis que existe un problema estructural. Avec un membre plus court. Con un miembro que es más corto. Faut-il le corriger ou pas? Hay que corregirlo, sí o no? C'est structurel. Si tenéis una escoliosis estructural, si tenéis un miembro que es más corto, hay que corregirlo. ¿El miembro es más corto estructural? Sí, estructural. Sí, sí, sí. No la escoliosis. ¿Tú dices la escoliosis estructural? Dire que la escoliosis estructural, ça veut dire qu'il y a une malformation estructurale. C'est ça que ça veut dire. Sí, sí, sí. El tema es si es la escoliosis estructural o la misma. Qu'il y a un plus court que l'autre. Oui, c'est la même chose. Est-ce la même chose? Là, je vous dis, le problème de la scoliose, une jambe courte structurelle est une cause structurelle d'une scoliose structurelle. Una pierna corta estructural es una causa de una escoliosis estructural. Quand on dit ça comme ça, c'est ça que ça veut dire. Cuando decimos esto así, es así. C'est quoi la raison structurelle d'une scoliose? Là? Je lui demande qu'est-ce que c'est qu'une scoliose structurelle. Te está preguntando qué es una escoliosis estructural. La que no se reduce. Y la que no se compensa. Tiene réduita et tu peux pas compenser. Tu peux pas compenser, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, tu peux pas compenser? La que no puedes compensar, ¿cómo se dice eso? Reducir, ¿no? La que no se modifica, la que no paga. ¿Tú qué pasa, Xe? On peut rien faire. ¿Eso significa que no podemos hacer nada? Si es estructural. No puedes cambiar la curva. No puedes cambiar la curva porque si es estructural no la puedes. ¿Tú qué pasa, Xe, la curva? Bueno, no sé. Oui. Yo paro. Mais dans le testing là, pour dire que c'est structurel, c'est pas la déformation de la colonne, vous regardez. Cuando en este test no es la deformación de la columna lo que estáis viendo. C'est comment se mobilisent les iliaques avec les tests. Est-ce qu'ils sont mobilisables ou pas? C'est ça que vous allez chercher. Lo que habéis estado viendo es si el ilíaco se puede mover o no se puede mover. Eso es lo que habéis estado buscando. Es que le. Alors. Comment je vais dire ça? Alors, reprenons, donc, on va préciser, j'ai donc dans une scoliose un membre inférieur court structurel. Por ejemplo, le membre inférieur. Vamos a empezar. C'est bon aussi pour tu, mais en una scoliosis, ¿dónde tenemos un miembro inferior más corto? Structurel. Estructural. Real. Una dismetría real. Est-ce que je le corrige ou pas? ¿Lo corregimos, sí o no? Está compreso su cuerpo, ¿no? Depende de la movilidad, ¿no? Los pies. No, pero on est dans le cadre, encore une fois, de structurel. Sí. Estamos en el cuadro del estructural. Era aquí que si le cobre el compás o en Ferrián. Bueno, Ferrián no. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Je parle avec, avec ce qu'on a fait là, enfin ce que vous avez fait là ce matin. Et par exemple, pour ce que vous avez fait hier ce matin. Que, pero aún ha dicho una cosa, no sé cuál de las dos preguntas. No, tú has dicho que si el cuerpo lo compensa. Sí. Bueno, si no, va a arreglar. ¿Cómo lo sé? Pues es un poco lo que he dicho yo antes. Si no hay sintomatología, he dicho yo, plane, pues entiendo como que ese cuerpo está compensado, no voy a poner un alza, por ejemplo. Pero Álvaro me ha dicho otra regla de cosas. Que si ya padece sintomatología y va a hacer el tratamiento también. ¿Y qué has dicho lo segundo? No, que Álvaro me ha dicho cosas para darme cuenta que igual sí que hay que valorar, porque ahí entra un conflicto yo conmigo misma, así que no lo sé. Acabó el así que C'est pas, c'est pas pour rien que je fais ça, c'est lié à ce qu'on va voir. Peut-être si on n'a pas des symptômes, peut-être on doit mettre un peu. Donc même sans symptômes, il faut qu'il disait qu'il fallait en mettre, peut-être. C'est ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ce que je vous dis, c'est pour dire quoi? Con todo esto que está hablando, ¿qué es lo que os quiere decir? Que c'est pas l'examen morphologique et de mouvement qui va répondre à cette question. No es el examen morfológico el que nos va a responder a esta pregunta. C'est pour ça que on peut aussi analyser les choses autrement. Es por eso que también podemos analizar las cosas de otra forma. Et nous, la question qu'on se pose, c'est pas tellement où est-ce qu'il y a une dysfonction. Quelle est la dysfonction? No es tanto dónde está la disfunción y cuál es la disfunción. Mais quelle est la stimulation qui va redonner de la mobilité? Pero sí, ¿cuál es el estímulo que nos va a devolver la movilidad? Donc c'est d'abord ça. Es primero esto. Et ensuite, eh ben, on va une fois qu'on a débrouillé beaucoup d'éléments, commencer à s'intéresser un petit peu plus au côté structure. Y una vez que débrouillé, c'est quoi? On va d'abord faire tout ce qui est fonctionnel dans l'examen, qu'on a vu avant, voir quelle est la dysfonction, enfin, quel est le tissu qu'il faut traiter. Lo primero que vamos a hacer es los exámenes funcionales que hemos visto antes, cuál es el tejido que está en disfunción. Et après, donc, on rentre dans le côté analyse structurelle. Y luego es cuando nos vamos a meter en el aspecto del análisis estructural. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui était ce matin, c'est pas bien, c'est très bien. No quiere decir con esto que lo que ha dicho por la mañana no estaba bien, ¿eh? Estaba muy bien. C'est, et puis Alvaro en plus, il a la double connaissance de, du côté médical et puis du côté plus approche PNS. Y el Álvaro sí que tiene el conocimiento del aspecto medical y de la PNS. Donc, ce qu'il faut toujours réfléchir à mon avis en tant que thérapeute. Pero si en su opinión, lo que sí que tenemos que pensar como terapeutas. C'est comment je vais agir. Es como yo quiero actuar. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir savoir quel type d'examen clinique je vais faire. partir de aquí es cuando vamos a saber qué tipo de examen clínico voy a hacer. Donc si vous faites un examen clinique et que derrière vous ne savez pas comment vous allez l'exploiter. Si hacéis un examen clínico y luego no sabéis qué hacer con eso. Oui, mais c'est fréquent. Ça veut dire que c'est pas la peine de le faire. Esto significa que no merece la pena hacerlo. Donc, quand on est suivant quel type, par exemple, moi, je vais pas apprendre à faire le diagnostic d'un cancer. Él, por ejemplo, no tiene ningún interés en aprender a hacer un diagnóstico de un cáncer. J'ai besoin de connaître deux, trois petites choses qui me font suspecter. Necesita conocer dos o tres cosillas que le hagan sospechar. Et après, j'envoie au spécialiste, au médecin, qui va faire le diagnostic. Y luego lo va a enviar al médico especialista que lo va a hacer. Donc, je dis ça pour tout ce que vous apprenez. Hein. Esto lo dice para todas las cosas que aprendáis. Il faut se dire, tiens, quand je fais tel test, ¿a quoi il va me servir? Lo que hay que preguntarse es, si hago este test, ¿para qué me va a servir? Et tous les tests qu'on vous propose, il faut que vous vous posiez cette question. Y cada vez que os proponemos un test aquí, queremos que os hagáis esta pregunta. Et c'est comme ça que vous allez bien les utiliser. Porque es así como los vais a utilizar bien. Je reprends le posturodynamique analytique. Yo cojo, por ejemplo, el posturodinámico analítico. On pourrait le faire chez tout le monde tout le temps. Esto lo podemos hacer en todo el mundo y siempre. Ça donne des informations. Da información. Mais si je suis sur un généralisé, pero si estoy, por ejemplo, en un generalizado, les informations que ça va me donner, je ne vais pas savoir quoi en faire. Con la información que me va a dar, no tendré ni idea de lo que tendré que hacer. Donc je ne vais pas le faire à ce moment-là. Entonces es mejor que no lo haga en este momento. Et comme ça, ça permet d'avoir des consultations qui ne durent pas 3 heures. Sí, esto nos permite tener consultas o visitas que no duran 3 horas. Donc, on essaye de vous donner ça, mais pour apprendre, c'est pas apprendre par cœur, c'est posez-vous toujours la question, est-ce que dans ce cas-là, j'ai besoin de faire ce test ou pas? Pero cuando aprendemos, es importante que no aprendéis porque sí, sino haceros la pregunta de por qué lo tenéis que hacer. Et donc, il y a des thérapeutes, on peut prendre 2 thérapeutes qui font presque les mêmes tests. Y podemos coger, por ejemplo, 2 thérapeutas que hacen más o menos los mismos tests. Et qui n'auront pas forcément la même pratique parce que un, il saura pourquoi il fait ses tests et l'autre, il va juste appliquer un protocole. Et un simplement va faire les tests et l'autre va appliquer un protocole. Hein, voilà, juste pour essayer de vous mettre dans une attitude active quand vous utilisez quelque chose. Donc, c'est important que vous ayez une attitude active quand vous êtes utilisant quelque chose. Donc, pour en revenir donc à nos cervicales, ce que j'ai dit juste avant, donc on les met en interrelation avec les lombaires en faisant une flexion. Con las cervicales, lo que hemos dicho antes, haremos una interrelación con les lombaires. Las lombaires con las cervicales. Et là, les thoraciques. Y con las torácicas. Donc si en conclusion, vous arrivez à des cervicales dysfonctionnelles. Et comme conclusion, si llegáis à la conclusion de qu'il y a une cervicale dysfonctionnelle. Donc là, on vous propose une action par voie réflexe. Et aquí os proponemos una acción refleja. Par des éléments en arrière de la première tête. Mediante elementos que están detrás de la primera cabeza. Et vous voyez bien que. Donc on fait un élément spécifique, mais on ne va pas faire cervical par cervical. Hacemos un elemento que es específico, pero no lo haremos cervical por cervical. Par rapport à la stimulation sous le pied, c'est au moins 2 cervicales qui vont être stimulées. En relación a la estimulación del pie, más o menos estimularemos 2 cervicales. Donc la précision que vous devez avoir. Entonces la precisión que debéis de tener. C'est est-ce que c'est plutôt les cervicales haut, au milieu ou en bas. Es saber si estas cervicales están arriba, en la mitad o abajo. Pour vous, ça suffit. Para vosotros es suficiente. Si vous ne savez pas si c'est C6 ou C7, ce n'est pas très grave. Que no sepáis si es C6 o C7, no es grave. Hein, exemple par rapport à ce que j'ai dit avant, si je suis ostéopathe et que je veux manipuler une cervicale. Por ejemplo, en referencia con lo que ha dicho antes, si eres osteópata y je sache exactement laquelle. Et si je tiene que saber exactamente cuál tiene que manipular. Mais là, puisque le traitement que je vais utiliser, il est sur une zone, pero donc si je connaisse la zone. Si el tratamiento requiere conocer la zona que tengo que utilizar, entonces es suficiente con saber la zona. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on fait pas un examen très précis qu'on n'a pas un traitement efficace. No significa que por no tener un examen muy muy eficaz, no tengamos un tratamiento. Un examen précis. Vale, perdón. Que por no tener un examen preciso, no tengamos un tratamiento eficaz. Mais ça dépend quel type de traitement je fais. Pero esto sí que tiene que ver con el tipo de tratamiento que voy a hacer. Perdona, antes de pasar, es que estamos en la diapositiva que pone la nube neuronal, el tema físico, estos antes que está, que pone que en general, pone en general el probac que sube es del lado del bien de apoyo. O sea, si se te refieres a los masani. El pulgar sube del lado contralateral en una disfunción cervical. Sí. No es disfuncional el lado que sube. Es lo que hemos dicho antes. El Yunnan. ¿Chacupin? No, vas-y. ¿Qué se llama? Oui. Si le boté de pie de aquí, se funciona y se lo corta, se disfunciona, se écrit la. J'ai expliqué ça, c'est-à-dire que ce que j'ai dit après. Es lo que he explicado antes. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas où est la disfunction, c'est où est-ce que je dois stimuler pour libérer la disfunction. Ah. No está interesado en saber exactamente dónde está la disfunción, pero sí en la zona de la disfunción. En la zona que tienes que estimular para liberar la disfunción. C'est pour ça que quoi qu'on vous dise dans le cours. Entonces, digamos lo que digamos en el curso. La seule vérité. La única verdad. C'est le test. Son los tests. Si on dit par exemple, vous trouvez une chaîne neuromusculaire à départ céphalique droit. Por ejemplo, si os decimos que encontráis una cadena neuromuscular con salida derecha. Quand vous on dit, bah, c'est un élément interne sous, du côté de la dysfonction. Entonces, os decimos, hay que poner un elemento interno del lado de la disfunción. Si quand je fais ma stimulation, j'ai pas la réponse. Si cuando estimulo no tengo ninguna respuesta. C'est qu'il faut faire autre chose. Significa que hay que hacer otra cosa. Tout ce qu'on vous donne, ça marche. En général, ça marche comme ça. Todo lo que os decimos es algo que normalmente funciona así. Mais il y a des cas où ça marche pas comme ça. Pero hay casos que no funcionan así. On n'y peut rien, c'est la vie, c'est la physiologie, il y a... Y es lo que hay, la vida, la physiologie. Donc quand ça marche pas comme ça, il faut savoir se débrouiller, il faut pas être bloqué. Y cuando algo no va así, hay que saber qué hacer, cómo hay que bloquearse. Et le seul moyen, c'est pas à la tête, c'est de tester. Y el único medio no es pensando, es haciendo los testos. Pero eso podríamos resumirlo en, como yo no tengo ni idea de palpar las vértebras, yo voy apretando en el pie, cada centímetro del pie para ver cuál de todas las piezas es, y la que me haga mejor la MCP, pues es que la planto. ¿Podría ser? Alors, oui, pourquoi pas? Si, pourquoi non? Sauf que la MCP, c'est un seul test. Solamente que lo haga, o sea, lo que no sirve es que lo haga solamente con la MCP. Donc, tu peux faire comme ça. Lo puedes hacer así. Mais pour chaque élément. Pero por cada elemento. Tu fais la MCP, tu fais le posturodynamique, tu fais la rotation de tête, etc. Je pense que tu vas le faire qu'une fois. Pero para cada elemento vas a hacer la MTP, vas a hacer el postureo dinámico, vas a hacer la rotación de la cabeza, para cada elemento, y crees que lo vas a hacer solo la rotada. Et puis s'il y a un élément, mais si on a deux, bah, il faut... Porque luego si hay un elemento o si hay dos. C'est pour ça qu'il y a quand même des grandes lois, des grandes choses qui fonctionnent. Por eso existen unas leyes, grandes cosas que funcionan. Donc on commence par se mettre dans ce circuit-là. Entonces nos vamos a intentar meter en este circuito. La plupart du temps, ça fonctionne. La mayoría de las veces esto no va a funcionar. Et le cas où ça fonctionnerait pas, y en los casos que no funcionen, là, on va bah, faire un peu de recherche. En estos casos sí que vamos a hacer un poquito de búsqueda. Mais ça arrive pas normalement trop souvent. Pero esto no suele llegar normalmente. Mais ça peut arriver. Pero sí que puede. Donc, quand vous avez, vous êtes amené, donc on se remet dans le cadre, j'ai trouvé un segment dysfonctionnel au postureux dynamique analytique. Entonces, cuando llegamos al caso de que tenemos un segmento disfuncional en el posturo dinámico analítico, à ce moment-là, je vais aller au niveau palpatoire investiguer cette zone-là. Voy a ir a nivel palpatorio a investigar esta zona. Donc vous avez vu le test de compression. ¿Habéis visto los tests de compresión? Qui permet de situer un peu la zone, d'arriver sur une, deux, trois vertèbres. Que nos ayudan a llegar a la zona para situarnos sobre una, dos, tres vertebras. On vous a dit que quand il y en a plusieurs, on les met en interrelation. Cuando hay varias zonas, lo que vamos a hacer es una interrelación. Pour vérifier ce qu'il en reste. Une qui pilote les autres, ou est-ce qu'il y en a effectivement plusieurs? Vamos a verificar si realmente hay uno que está dominando las otras, o hay realmente dos disfunciones. Une fois qu'on a trouvé l'étage, una vez que hayamos encontrado la zona, eh ben, on va essayer de voir quel est le côté qui semblerait le plus logique à stimuler, donc, en faisant les tests de mobilité à gauche et à droite. La zona no quería decir cuando hayamos encontrado el segmento vertebral, vamos a hacer el test a derecha y a izquierda para saber dónde tenemos que estimular. Et donc, une fois que j'ai trouvé le côté et la vertèbre, je vais faire la stimulation sous le pied. Y una vez que hayamos encontrado el lado de la vértebra, haremos la estimulación bajo el pie. Et voir est-ce que ça relance bien la zone dysfonctionnelle. Y veremos si esto relanza bien la zona disfuncional. Ça va pour ça, vous avez... c'est bon, c'est clair. Sí. Hein, parce que dans les TP, on fait toujours tout. Porque la práctica siempre hacemos todo. Mais après, dans le cas clinique, on va être amené et on va faire que la zone que l'on trouve. Pero en la práctica iremos solamente a la zona que encontramos. Enfin, dans la práctica, c'est en cabinet, dans le cabinet. En TP ici, on fait par exemple toutes les vertèbres. Sí, cuando estamos haciendo prácticas aquí, hacemos todo, pero cuando estamos en la consulta, iremos a buscar lo que necesitamos. Ça va beaucoup plus vite. Esto va mucho más rápido. Et c'est plus facile parce que là, quand on en fait 10, clairement, c'est plus facile. Parce que sinon, quand il y a un petit peu. Mais bon, il faut bien commencer pour essayer de. Donc, les côtes, las costillas. Je vais aller les voir quand. Los voy a buscar cuando. Voilà, quand je trouve deux vertèbres qui, à l'interrelation, elles restent bloquées. Cuando encuentro dos vértebras que al hacer la interrelación están bloqueadas. Et comme on sait qu'une côte elle s'insère sur deux vertèbres, bah, si j'ai une côte en disfonction, elle va se répercuter sur les deux vertèbres. Y como la inserción de la costilla está en dos vértebras, va a repercutir a las dos. Donc on peut la tester en compresión. Podemos testarlo en compresión. Et puis on peut tester au niveau du test, peut utiliser le test inspiratoire. Et también podemos usar los tests inspiratorios. Donc si j'ai une côte en dysfonction, si tengo una costilla que está en disfunción, ça va être le même endroit sur le pied que la vertèbre. Va estar en el mismo sitio en el pie que la vertebra. Donc on peut se dire bon bah quel est l'intérêt d'aller voir la côte? Entonces vamos a decir bueno cuál es el interés de ir a ver la costilla. Le problème est que si j'ai un problème de côte et que je bon, si j'ai un problème de côte, j'ai un problème de vertèbre. Si tengo un problema de costilla, tengo dos vértebras. Si je stimule sous pied, si estimulo bajo el pie, et que c'est un problème de côte, y es un problema de costilla, je vais très probablement redonner de la mobilité à ma côte. Puede que le dé movilidad a la costilla. Mais peut-être pas automatiquement et tout de suite, juste avec cette petite stimulation, relancer totalement les vertèbres. Pero puede que no pase que de repente se relance la movilidad a nivel vertebral. Donc si je regarde que mes vertèbres et que j'oublie de regarder la côte, y entonces si miro solamente las vértebras y me olvido de la costilla, je vais me dire bah mon traitement il marche pas. Voy a decir, ay, mi tratamiento no va bien. Parce que bon, les tests, ça agit vite, ça donne des modifications, mais ça ne fait pas toutes les modifications d'un coup comme ça en une seconde. Porque los tests, es verdad que nos dan modificaciones en el momento, pero no todas las modificaciones pasan de repente. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller quand même voir ce qui se passe au niveau des côtes quand c'est elles qui sont en dysfonction. Y por eso estamos obligados a ir a las costillas cuando estas están disfuncionales. Allez, l'élément le plus important va se libérer tout de suite. El elemento más importante se va a liberar primero. Et le reste va prendre un petit peu de temps. Y el resto va a coger un poquito más de tiempo. Peut-être, hein, ça peut libérer aussi les vertèbres, mais también on essaie las vértebras. Voilà, d'avoir suffisamment de tests pour se dire oui, j'ai bien fait quelque chose. Pero necesitamos suficientes tests para decir sí, he hecho bien las cosas. Donc on ne peut pas se passer de l'examen des côtes. Entonces no nos podemos olvidar del examen de las costillas. Donc ça c'est bon, hein, donc on part des cervicales et on finit coccyx. Entonces empezamos de las cervicales y acabamos en las costillas. Et il faut avoir des éléments qui ne soient pas trop larges, parce qu'ils soient vraiment spécifiques sur la zone qui nous intéresse. Y es importante que los elementos no sean muy amplios para que sean específicos sobre la zona. Et on a dit bon, nos éléments, en gros, on les coupait en trois. Y en general, lo que vamos a hacer es partir en tres los elementos. Partie antérieure, médiale ou postérieure. Anterior, médial, posterior. C'est bon, ça? Sí. ¿Puede haber una disfunción en costilla y no en la vértebra torácica? ¿Es que un tipo de disfunción costal y para los vertebrales? No. Encore une fois, peut-être, mais enfin, on n'en a jamais vu pour l'instant. Elle ne l'a vu pas, mais bueno. Mais normalement, non, parce que. Vraiment, les si la côte ne bouge pas, la vertèbre, à moins d'être, d'avoir, que ce soit complètement laxe, elle ne peut pas bouger, les vertèbres ne peuvent pas bouger, parce que c'est vraiment, ça bloque vraiment. A non ser realmente que la vertèbre sea super laxa, si la costilla está mal, no te va a dejar que la vertèbre se mueva. Vale, yo pregunto por el elemento, porque si hay una cosa en función, el elemento de todas formas sería el eje. El tema, bucle de Mann, si pete es con asca, o men le men le man que es la vertebra. Sí. Oui, c'est ce que je disais, sur le pied c'est au même endroit. Sí, en el pie es la misma forma. Mais, comme j'ai dit, si on regarde que la vertèbre alors que c'est une côte, on va peut-être pas voir le résultat. Pero si estamos mirando la vértebra y no la costilla, puede que el resultado no sea el mismo en el momento. Vale. Otra cosa, es que cuando estimulamos una rodilla en disfunción, estimulamos también la misma zona. Cuando está en cambio una estimulación con el bien, se la pulsó. Oui. Et c'est normal. Si, y además es normal. Parce que le corps, c'est pas des petits morceaux, il y a des synergies. Porque el cuerpo no son pequeñas piezas, hay una sinergia. En fait, quand je donne une stimulation qui est au même endroit, cuando estoy dando un estímulo que es la misma zona, mais qui aura pas la même réponse, pero que no tendrá la misma respuesta, en fonction de l'état des voies de conduction et du problème du corps. Le corps ne va pas réagir pareil en fonction de dans quel état il est. Oui, donc, si ma dysfonction est au genou ou à la vertèbre, le corps ne va pas réagir de la même manière forcément à la stimulation. Ah, según donde está situada mi disfunción, aunque pongamos el mismo elemento, mi cuerpo no va a reaccionar de la misma forma. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on fait la même chose que ça donne le même effet. Parce que le corps n'est pas dans le même état. No es porque hagamos la misma cosa que el resultado va a ser el mismo. Porque el cuerpo no está en el mismo estado. Hein, c'est comme on parle de phénomène d'homéostasie. Eh ben, on va rajouter des petites gouttes. Si je suis en excès, il va falloir faire différemment. Enfin, avec la même quantité de produits, vous mettez une goutte d'acide dans un terrain déjà acide, il ne se passe pas grand-chose, un terrain basique, ça va tout changer avec la même goutte d'acide. Es como en los fenómenos de homeostasia, por ejemplo, si estamos aplicando gotas de ácido en un medio ácido, no va a pasar gran cosa, pero si lo aplicamos la misma gota en un medio básico, la cosa va a cambiar bastante. Ah, donc la même stimulation ne donne pas le même effet parce que ce n'est pas pareil en fait. La misma stimulation ne fait pas le même effet parce que vraiment no se parece. C'est pour ça que si je mets l'élément pour une vertèbre qui va bien, je ne vais rien voir. Mais peut-être c'était pour le genou, il faut que j'aie examiné le genou. Por ejemplo, si coloco un elemento para una vértebra que va bien, no voy a ver nada a nivel vertebral, pero si es para la rodilla, sí que voy a ver que, o sea, lo que tengo que analizar es la rodilla. Alors, donc, on a dit, on se rappelle que un traitement postural, c'est toujours déparasitage et remédiation. Hemos dicho que siempre un tratamiento postural es la remediación y el desparasitaje. En déparasitage, jusque-là, vous connaissiez le déparasitage des épines irritatives des plantes. Hasta ahora conocíais a nivel de desparasitaje las espinas irritativas de apoyo plantar. Le déparasitage des chaînes neuromusculaires. El desparasitaje de las cadenas neuromusculares. Et bien là, on rajoute un déparasitage, un outil de déparasitage supplémentaire qui est neuroarticulaire. Y ahora vamos a añadir otro útil que es la neuroarticular. On pourrait dire musculaire, articulaire. Podríamos decir muscular y articular. On rajoute toujours neuro parce que ça passe par une stimulation et un effet neural. Le système nerveux, ce n'est pas une action directe sur le muscle, directe sur l'articulation. Le añadimos a la palabra neuro porque estamos. C'est un effet plus sur le système nerveux qui va agir sur le muscle qu'une action directe. Es el efecto sobre todo del sistema nervioso el que va a actuar sobre la articulación o sobre el músculo, pero no vamos a ir directamente sobre la articulación o directamente sobre el músculo. Donc, on peut rajouter un déparasitage qui lui est plus manuel. Le traitement neural, c'est un déparasitage par thérapie manuelle. Podríamos añadir otro desparasitaje que es la terapia manual. Es un desparasitaje por vía manual. Donc, le déparasitage là par exemple, donc on a trouvé T5 à T8. Aquí por ejemplo tenemos el desparasitaje de T5 a T8. Et après, on fait, comme je vous avais dit le premier jour, une remédiation. Y luego haremos, como os dijo la vez anterior, la remediación. Ça ne suffit pas d'enlever l'épine, d'enlever le clou ou le caillou. Il faut aussi dire au cerveau, c'est bon, tu peux y aller, j'ai retiré le problème. Es lo que os decía, no es suficiente con quitar la piedra de debajo del pie, también le tienes que decir al cerebro, ya puedes ir a él. Et c'est ça la remédiation, on remodifie le schéma postural. On en remet un nouveau sur un schéma qui était dysfonctionnel avant. Y es esto la remédiation, le tenemos que decir al cerebro... Un schéma postural, un nouveau schéma postural. Sí, que cambie el nuevo esquema postural. Alors, on revient à un schéma, au schéma d'avant qui était bon, mais qui a été modifié par la pathologie. Ese esquema que ha sido modificado por la patología o la irritación. Et donc la remédiation, avant, arrière, gauche, droite. Y la remédiación es delante, detrás, derecha, izquierda. Ça ne veut pas dire et avant, arrière, et gauche, droite. No significa delante y detrás y derecha y izquierda. Je regarde l'ensemble. Miro el conjunto. Et je vois peut-être que même si il est en avant et à droite, en le reculant, ça va suffire à gérer les deux paramètres. Aunque, por ejemplo, esté hacia adelante y hacia la derecha, puede que solamente si le echo para atrás sea suficiente para traerlo a centro. Hein, j'ai deux paramètres, mais peut-être un seul traitement suffit. Tengo dos parámetros, pero quizás solamente un traitement sea suficiente. C'est pour ça que je vous disais le mot, on ne traite pas toutes les dysfonctions. On essaye de voir est-ce que une stimulation relance l'ensemble. Lo que ha dicho, no tratamos todas las disfunciones. Lo que vemos es si el estímulo nos relanza el conjunto. Ah, c'est pour ça qu'on dit dans les lois des semelles de posture, moins on met d'éléments, mieux c'est. Y normalmente las leyes de las plantillas posturales, cuanto menos elementos, mejor. Donc si jamais on a au même endroit deux stimulations. Y si alguna vez colocamos en el mismo sitio dos estímulos. Quand on parle de hauteur, c'est la hauteur finale. Cuando hablamos de altura, es la altura final. Donc on va superposer, mais si je sais par exemple des barres là ici de 1 mm. Por ejemplo, si aquí colocamos barras de 1 mm et que je veux un déparasitage à 3 mm. Y necesito para el desparasitaje 3 mm. Là mon élément, il va faire 2 mm. Mi elemento va a tener 2 mm. Donc ça 2 plus 1, ça fait 3. Porque 2 más 1 son 3. C'est clair ça? La hauteur, écoutez juste cette phrase, il y a juste à écouter cette phrase. La hauteur de l'élément, c'est sa hauteur finale. La altura del elemento es su altura final. C'est pas je prends un élément de 3 et là et maintenant. C'est je veux 3 mm, donc à la fin ça doit faire 3. Significa que necesito 3 mm. Entonces, al final, va a tener 3 milímetros. Si j'ai un ici, si tengo un milímetro ahí, bah celui-là, il va faire 2. Entonces, ahí, el otro tendrá 2 milímetros. Ça, au total, j'ai 3. Y en el total, tendré 3. Pero tú te estás, pues lo estás separando. No. Le test, c'est avec tous les éléments de la semelle. On ne fait pas un élément par un élément, parce que quand je mets un élément, j'en mets un autre. Quand je mets les deux ensemble, ce n'est pas forcément la même réponse. Ça, attention. El test tiene que ser con todos los elementos a la vez. Porque si colocamos un elemento, luego colocamos el otro, no significa que cuando unimos los dos elementos sale lo mismo. Donc, quand on fait les TP, on teste des petits morceaux pour voir qu'il se passe des choses. Quand on fait les pratiques ici, on fait con cachos. Mais quand vous êtes dans de l'examen clinique et du traitement, pero cuando estáis en el examen clínico para el tratamiento, normalement on teste une seule fois notre appareillage final. Normalmente testamos solamente una vez el aparataje o los elementos finales. C'est pour ça qu'on va utiliser les baropresseurs si on veut tester des combinaisons différentes. Es por eso que vamos a utilizar los baropresores para valorar las combinaciones diferentes. Il faut bien avoir en tête que dans les systèmes chaotiques, ce qui est le cas des systèmes vivants, en el sistema caótico de los seres vivos, on n'est pas linéaire, on est chaotique. No somos lineales, somos caóticos. Donc, un élément A plus un élément B n'est pas égal à la somme de A plus B. Un elemento A más un elemento B, un elemento A o un elemento B no tiene el mismo resultado que que el elemento A más B. Entonces, cuando hace el test, pone la barra, o sea, cuando estás haciendo los test para mirar el elemento de una parte de ahí, pone la remediación y encima pone, o sea, pone la barra anterior y encima va poniendo los elementos parasitarios. Los elementos de desparasitación. Pues deja fija la remediación y va a poner los elementos de la remediación. Vale, pues eso. Bueno, era el primer año. Sí. Ya. Donc ça, s'il vous plaît. Donc la manœuvre des blouses, on l'utilise pour affiner la thérapeutique. La maniobra de pulgares lo vamos a utilizar para afinar la terapéutica. Affiner. Afinar. Ça veut dire qu'on a déjà trouvé ce que nous devons mettre sous le pied. Ya sabemos lo que tenemos que colocar debajo del pie. C'est le petit réglage final. Es el pequeño reglaje final, ajustado final. Donc là, on fait le test des pouces. Hacemos el test de los pulgares. Et à ce moment-là, ça permet de régler un petit peu mieux la hauteur des éléments. Y esto nos va a ayudar a definir un poquito más la altura de los elementos. Et donc, là, ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter d'un millimètre les éléments de reprogrammation qui sont du côté du pouce montant. Entonces, lo que vamos a proponer es que subáis los milímetros del elemento de reprogramación. Reprogramación, te digo. Oui, remediación. Remediación, perdón. De los elementos de reprogramación que estén bajo en la pierna donde sube más el dedo. Soit ça change quelque chose. Puede que esto cambie algo. Si ça commence à pas changer quoi, vous arrêtez là. Si vous empieza a cambiar cosas que no tenéis claro, lo paráis y ya está. C'est juste le petit plus à la fin. Puede ser el pequeño plus del final. Es que tu l'avais el tema si tu tu mets un millimètre de plus. Je mets un millimètre de plus. Colocamos un millimètre más. Du côté du pouce montant. Bajo el pie de que bajo el pie que sube el pulgar. Dans l'idée de symétriser. Con la idea de que esto sea simétrico. Imaginez par exemple que vous inversiez les pouces. Imaginez par exemple que ahora invertís los. O sea, que antes subía el derecho, ahora sube el izquierdo. Pero ¿cómo? O sea, habiendo probado una pierna. No, cuando le colocas un milímetro más. Bajo, bajo el pie, o sea, no llegas a nada, llegas siempre en el pie. Sí, sí, sí. Y colocas la pierna, ¿no? Y la de la cadena de los articulados, ¿no? No, estamos hablando, tenemos ya las piezas finales. Hemos dicho que colocamos los elementos que necesitamos. Y para definir los elementos. Pon un ejemplo. Que luego le pongo yo. Un ejemplo. J'ai mon... Voilà, on va prendre cet exemple-là. Par exemple, ici. J'ai ce traitement-là. Là, j'ai... Tienes este tratamiento de elementos. Là, mes barres, elles font un millimètre. Estas barras tienen dos milímetros. Un millimètre. Un millimètre, qui a dit vale, je fais mon examen clinique, ok, j'ai amélioré mon posture dynamique, mon traitement me semble bien. Hago mi examen clínico, mejora el posture dynamique, entonces, en principio, esto parece que va bien. Je fais le test des pouces montants. Hago el test de los pulgares. Et je vois que ça monte plus à droite. Y veo que sube más en la derecha. Donc on fait les pouces montants, on part du bas jusqu'en haut. Y hacemos la maniobra de los pulgares empezando desde abajo hasta arriba. Et donc je me dis, tiens, mon pouce monte, alors je vais essayer 2 mm ici. Y digo, ah mira, me sube el pulgar, entonces voy a intentar de colocar 2 mm de la anterior. 2 mm ici. 2 mm ahí. Pero entonces el test lo hacen a la parte anterior. El demás es 2 milímetros de barra anterior. ¿C'est quoi ça? ¿Qué es esto? C'est l'élément de remédiation du côté où le pouce monte. Es el elemento de remediación del pulgar que sube. Del lado del pulgar que sube. Permet de préciser la hauteur des stimulations plantaires de remédiation. Permite precisar la altura de los estímulos plantares de la remediación. Et je monte d'un millimètre du côté du pouce montant. Y subo un milímetro del lado del pulgar que sube. C'est la petite option supplémentaire. Soit on arrive à faire un peu mieux, soit on n'y arrive pas. Et on s'arrête là. Es una última opción que tenemos para final. Si vemos que así va mejor, lo ponemos. Si vemos que no, paramos. Ah, parce que au niveau des barres en presseur, on essaye de simuler l'épaisseur, mais c'est pas très très précis. On est, Porque a nivel de los barres presores, intentamos simular la presión, pero no es tan tan preciso. Le mieux, c'est de faire des tests sensoriels. Lo mejor es hacer los tests sensoriales. Et pour l'instant, vous démarrez dans le sensoriel. Pero por ahora, démarrer. Vous commencez, vous êtes débutant en sensoriel. Ah, pero por ahora sois principiantes en sensoriel. Ah, quand on a fait déjà avec les territoires, etc. Es lo que hacemos para los territorios, por ejemplo. Donc on vous donne un moyen qui est relativement simple pour voir si vous pouvez jouer un peu mieux sur le tenus. Os damos otro útil fácil para que actuéis mejor en las zonas. Bien sûr, quand on a modifié notre hauteur, si on modifie la hauteur, y si modificamos la altura, on refait le posture dynamique. Volvemos a hacer el posture dynamique. Si jamais les pouces est amélioré et que le posture dynamique est moins bien, on revient à l'état d'avant. Porque si mejoramos el, o sea, el devrait pas arriver. Pulgar, pero el posture dynamique empeora, es mejor que nos quedemos como antes. En el ejemplo anterior. Cuando pone, decía que subía en la barra anterior, subía un milímetro para probar. Entonces el T de los pulgares está en la zona cervical. ¿Equipe el pus y la razón cervical? No. ¿Equipe el bas? No, je viens de dire, on fait du bas jusqu'en haut. Hacemos la maniobra de los pulgares desde abajo hasta arriba. C'est le tonus de l'ensemble. D'accord. Es el tono del conjunto del cuerpo. Les barres, elles sont pas là pour les cervicales. Las barras no están ahí por las cervicales. C'est pour l'ensemble de la posture. Es por el conjunto del cuerpo. Y si tiene un lémite, lo va a tener en el lémite. ¿Me ha de mí? pareil. Lo mismo. Igual. Mais ce test-là est surtout pertinent pour régler la hauteur des barres. Pero ese test de ahí es sobre todo pertinente, eficaz. Intéressant, voilà. Interesante para la altura de las barras. Vous avez le texte là. Ils ont le texte. Faut le lire. En priorité, les barres. Como prioridad las barras. No sé cómo pone, pero está traducido, ¿no? Tu l'as bien traduit, j'espère. El tema de Levi, yo me lo estoy haciendo, o sea, el Levi puede ir con el elemento que se ha visto el día por antes. O sea, el desparasitaje. No, la anterior, está ahí, la anterior. O sea, dices un EMI y un elemento en la zona bosque. Quizá se ponga un EMI. No, no, no. Me dice si un primer EMI ya este es el disparate. Sí, correcto. C'est pareil que ça, mais c'est remédiation et déparasitage. Si c'est au même endroit, on les met. Pas de problème. Así que lo puedes hacer es remediación y desparasitaje si toca, pero en el mismo sitio. Pues igual que la barra. Vous n'avez pas fait tous les exemples parce que ça fait beaucoup de diapos. No haremos todos los ejemplos porque si no serían demasiado. Donc normalement, vous devez améliorer votre score. Entonces, normalmente deberíais de mejorar vuestra puntuación. Et si vous aviez donc. Le score que vous avez sur mousse, avec stimulation, vous devez être pareil ou mieux que sur mousse. Et quand vous avez sur espuma la puntuación de 1, quand vous coloquez les éléments, debería de ser igual ou mejor que sur espuma. Parce que sinon, là, ça veut dire que les éléments vont aggraver le cas, puisque. Là, sans zébine irritative, il est comme ça, et avec les éléments, il est pire. C'est pas bon. La référence, c'est posture dynamique sur mousse quand il y a des zébines irritatives. Porque en ese caso, en el segundo, se ve que está peor con los elementos que sobre la mousse. Entonces, eso significa que está agravando el caso. Donc, à la fin du traitement, on refait. Avec l'ensemble, avec le plan d'appareillage complet. Entonces, al final del tratamiento, haremos con el plan de aparellaje, el plan de estimulaciones. Complet. Completo. En fait, tous les tests que l'on connaît, que l'on a fait avant, on les refait après. Haremos todos los tests que conocemos, hacemos antes y después. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, non. Si, par exemple. Ah, vale. Pas en même temps. Bueno. Si, si, si. Si, si. A ver, cuando hemos empezado, hoy, esta tarde, a ver, se ha dicho. Las disfunciones neurales y disfunciones sistematizadas, ¿no? Cuando hemos empezado. Disfunción neural al principio de la tarde. Sí. Los postulodinámicos social solo tuvo, ¿no? Sí. Para ver si había un problema neural. Pero, luego hace entrar el postulodinámico, pero el postulodinámico que hace después es sobre espuma o otra vez sobre el suelo duro. On a dit que lui, on faisait le postulodynamique, par exemple le neural, et après, on fait le postulodynamique sur le dur, après, quand vous avez fait le neural, c'est comme si vous commenciez votre examen clinique. Después de hacer el neural, es como si empezáis vuestro examen clínico. Donc, on fait sur dur, sur mousse. Con mousse, non? Entonces hacemos sobre duro, sobre duro. O sea, pero yo hago el postulinal y ahí me sale todo pélvico, me sale que hay una disfunción. Entonces yo pienso que eso me dice que tengo un problema neural, ¿no? Y lo trato. Sistematizado. Y vuelvo a ser postulinal. En solo duro. Y, ya, y a partir de ahí ya lo paso a suelo blando. C'est exactement votre examen clinique, sauf que avant, vous vérifiez qu'il n'y a pas du neural. Es como lo hacéis hasta ahora, el protocolo de hasta ahora, el examen clínico de hasta ahora, sobre es algo que antes vais a hacer un neural. Antes de pasar a On pourrait très bien se dire, bah, je mets tout de suite le patient allongé et je teste et je traite le neural. Realmente podríamos decir que antes de hacer cualquier cosa, le ponemos al paciente tumbado y les estamos en neural. Le problème, c'est qu'on ne saura pas ce qu'on a fait sur l'ensemble du corps. El problema de esto es que no sabremos lo que hemos hecho en el conjunto del cuerpo. Donc on fait juste un seul test, qui est le posturodynamique, parce que ça nous renseigne déjà bien. Haremos solamente un test que va a ser el músculo dinámico porque ya esto nos va a decir bastantes cosas. Mais vous pouvez aussi faire le Romberg, bien. Pero podéis hacer el Romberg. En plus, pas à la También. Place. Bon, mais juste pour avoir, qu'on puisse voir les effets, parce que, par exemple, vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous faites votre saturation, bon, vous ne savez pas trop, mais les tests de boue vont être plus clairs. Vous allez voir, ah oui, il s'est passé quelque chose, donc mon traitement, il a été efficace. Porque cuando estáis tumbados y hacéis un tratamiento, la verdad no veis mucha cosa, pero cuando nos ponemos de pie, podemos decir, ah, mira, pues sí que ha sido eficaz. Vous avez vu tout à l'heure, cet après-midi, que ce matin, quand Alvaro, il a fait une petite stimulation sur les fesses. C'est juste un petit truc de rien du tout. Habéis visto, por ejemplo, esta mañana, cuando ha hecho un pequeño, Alvaro, cuando ha hecho un pequeño estímulo sobre el glúteo, On se dit, il n'a pas fait grand chose, ce petit machin là. Ah, mira, no ha hecho mucha cosa, pero aquí. Et puis on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des malléoles, on voit que ça bouge. Pero cuando miramos qué ha pasado a nivel de los malléoles, vemos que se mueven. Donc même si vous n'y croyez pas au petit machin, vous êtes bien obligé de voir qu'il s'est passé quelque chose. Aunque no lo queréis creer, cuando miréis, veis que ha pasado algo. Et au début, quand vous faites vos stimulations, vous n'y croyez pas vous-même. Muchas veces, al principio, cuando hagáis vuestras estimulaciones, vosotros mismos no vais a creer que habéis hecho algo. Donc il faut des tests qui vous disent, bah si, il s'est passé quelque chose. Y necesitáis tests que os digan que sí, que ha pasado algo. Ah, souvent, le plus difficile, quand un patient revient et qu'il dit, ah, je vais mieux. Muchas veces, hasta... Quand le patient revient et qu'il dit, cuando el paciente viene, vuelve, y te dice, ah, sí, voy mejor. Le plus difficile, c'est pas, ah, bon? Muchas veces pasa así. Non, bien sûr. Mais de, claro que sí. Ah, donc, c'est pour ça que le posturodynamique, bon, c'est un test où on met l'ensemble du mouvement. Le patient, lui, peut sentir des choses aussi. Et por eso el posturodynamique nos permite dar las cosas en global, el paciente también puede sentir el mismo. Donc, ça vous permet d'évaluer vos traitements et de prendre confiance. Il faut en faire, hein. N'ayez pas peur de les faire, c'est très bien. Hay que hacerlo, ¿eh? No Même si vous ne maîtrisez pas tout. Aunque no solucionéis todo. Que y a... Oui, si, même si il est territoire, je dis ça. Aunque no lo veáis del todo claro, hay que hacerlo. Il faut faire parce qu'il y a comme ça que vous allez progresser. Porque es así como vais a progresar. Oui, il y a... enfin, il y en avait une là-bas avant. Había una pregunta por ahí antes. Sí, tú tenías pregunta. No, ya me la he hecho. ¿Se va? ¿Se va? Vamos a tener un distinto seminario que tenemos que estar hablando. Sí, hay veces que cuando los profesores como que me las van a usar. El tema como antes, a lo que vamos a hacer, la baña de en appuyant à l'endroit où la bande interne appuie, mais c'est mieux une bande interne, c'est quand même mieux de la tester debout, puisque là on est sur de l'organique. Es mejor que la banda interna lo testes de pie, porque lo vamos a colocar en pacientes orgánicos. Le baropresseur, on essaye de simuler le traitement, mais ce n'est pas exactement la même chose que déjà on n'est pas debout. Cuando hacemos los baropresores, estamos simulando el tratamiento, pero no es exactamente lo mismo. Ça permet. Les baropresseurs, pour moi, ce n'est pas pour savoir ce qu'il faut faire, c'est surtout pour enlever des choses qui n'ont pas d'intérêt. Los baropresores, más que saber lo que hay que hacer exactamente, es para descartar lo que no hay que hacer. Ça permet d'enlever et comme ça de ne pas faire plein de tests debout, parce que debout, c'est plus compliqué. Y para no hacer muchos tests cuando estamos de pie, porque si no es más complicado. Si déjà ça pose problème couché, c'est rare que ça pose plus de. Si déjà couché, un élément perturbe. Si quand nous sommes tombés, un élément nous est créant des problèmes, c'est très rare que luego de pie nous vaya bien. Estamos dando, ¿no? La zona detrás de la primera cabeza, pero la zona medial corresponde a zona de cervicales, zona de dorsales y zona, pues aquí. Pero si no, en las anteriores también hemos hecho otra interrelación que es rodilla, o sea, pelvis, rodilla y pie. Cuando nosotros ponemos estímulos, al final. Si pongo para dorsal, a la vez estoy trabajando a nivel dorsal y a nivel de rodilla, con esa misma pieza. ¿O cómo haces la diferencia? Esa pregunta la han hecho antes. ¿Ah, sí? Sí, lo siento. El tema de nuestro cual, si yo me la envío el campo, el genú, el dorsal, el dorsal, ¿cómo es que puedo hacer la diferencia? ¿Pero no hay diferencia? Es que no hay que hacer diferencias. C'est pas comme ça que se pose le problème. Es así como se plantean los problemas. Le problème c'est quoi? El problema cuál es? J'ai une dysfonction à un endroit. Tengo una disfunción en una zona. Par rapport à la zone, quel est l'élément? Según la zona, ¿cuál es el elemento? Faut pas faire le raisonnement dans l'autre sens. No hay que razonar en el otro sentido. C'est qu'il n'y a aucune ambiguïté. Je sais quel est l'élément quand j'ai des dorsales, je sais quel est l'élément quand j'ai un genou. Si vous avez deux pulls différents, vous mettez les deux pulls sur votre corps, vous ne vous posez pas la question pourquoi je vais mettre celui-là, pourquoi je vais mettre celui-là, je mets les points. Si tienes dos pasés diferentes, te pones uno, te pones el otro y no te preguntas por qué me estoy poniendo uno, por qué me estoy poniendo el otro. Les deux, voilà, ils sont adaptés. Los dos están adaptados. Donc, faites pas le. C'est vraiment, c'est plus compliqué. C'est quand on commence à réfléchir, on renverse les propositions et là, c'est plus vrai. Et quand. C'est important de. C'est pour ça qu'on essaye, on vous donne quand même un protocole où il y a le titre, la phrase qui suit, et il faut le voir dans cet ordre-là, et pas faire des ponts dans l'autre sens. Es importante que cuando vemos también las fichas, hay un título y luego hay cosas escritas por debajo, y hay que verlas en este orden. Il faut pas sortir les choses de leur contexte. No hay que sacar las cosas de contexto. Parce que là, vous n'êtes plus dans la réalité. Porque ahí ya no estáis en la realidad. On utilise parfois le même mot pour dire des cinq choses différentes. A veces podemos utilizar memorias, mots. Un mot, le même mot. La misma palabra para decir cinco cosas diferentes. Vous ne vous posez pas comment je fais la différence. Y no os preguntáis cómo hago la diferencia. C'est le même mot, mais ça dépend du contexte. Es la misma palabra, pero depende del contexto. Donc si le contexte est clair, si el contexto está claro, il n'y a pas de questions à se poser. No hay que hacer preguntas. Bon, c'est bon? Está bien. Alors maintenant, donc pour le reste de la journée, vous allez faire. faire un examen clinique. Para el resto de la jornada que queda, vais a hacer un examen clínico. Donc je crois que personne n'a amené ces semaines. Porque creo que casi nadie ha traído las pastillas. Parce que nous, on vous offre la possibilité de modifier les semaines. Porque os abrimos la posibilidad de modificar las plantillas. Mais si vous les amenez pas, on va pas les refaire à chaque fois. Pero si no los traéis, no lo vamos a hacer cada vez. Parce que c'est quand même beaucoup de travail de mettre les machines et tout, donc bon, essayez. Le mieux, c'est d'avoir les semaines, de pouvoir travailler avec. Lo que ocurre es que traigáis las plantillas para poder trabajar con ellas. Bon, pour l'examen clinique, c'est pas gênant. Para el examen clínico no importa. Puisque quand on revoit un patient, porque cuando volvemos a ver a un paciente, on le réexamine à zéro. Le volvemos a examinar de cero. Alors, on fait un examen pieds nus. Le hacemos un examen con pies descalzos. Et puis on regarde à la fin à quel plan d'appareillage j'arrive. Y luego valoramos a ver a qué plan de estímulos llegamos. Si c'est le même qu'avant. Si es el mismo que llevaba antes. Bon, on change rien. Et si c'est autre chose, on modifie. Pues no cambia nada y si no, pues lo modificamos. Alors, ce qui serait bien. Lo que estaría bien. C'est donc vous allez vous mettre par deux. Os vais a colocar de dos en dos. Et vous allez essayer de faire un examen qui ne dépasse pas, on va dire, 40 minutes. Et vous allez faire un examen clinique qui ne va pas durer plus de 40 minutes. En sachant que là, dans ce cadre-là, on ne va pas faire une anamnèse, un questionnaire très long. On demande juste s'il y a des douleurs. Lo que no vamos a hacer es una anamnesis muy larga, preguntar si hay dolores. C'est surtout pour appliquer ce que vous venez de voir. Surtout pour que vous puissiez appliquer ce que vous venez de voir. Et si vous appliquez en faisant les tests, oui, non, etc., ça doit aller très vite. Et quand vous tengáis les tests de si, non, etc., esto va a ir très rapidement. Hein, parce que ce que je veux, c'est trouver quelle est la stimulation que je peux, quelles sont les stimulations que je peux mettre sur un patient pour améliorer ces tests. Porque lo que estoy buscando es cuáles son los elementos que tengo que tratar con este paciente para que mejore. Donc la seule chose qui change par rapport à avant. La única cosa que está cambiando en relación a lo de antes. C'est la limite, je vais en dire deux. La única no, hay dos. La première, c'est que je vais voir si j'ai une perturbation neurale. Primero vamos a ver si existe una perturbación neural. Qui est un déparasitage prioritaire. Que es un desparasitaje prioritario. Et après, si vous tombez sur des chaînes musculaires, bah vous faites comme avant. Si estáis en las cadenas musculares, lo hacéis como hacíamos antes. Ou généralisé, bah vous savez faire, il n'y a rien de nouveau. O si es generalizado, no hay nada nuevo. La seule chose qui va changer. La única cosa que va a cambiar. C'est que si vous avez un patient localisé. Si tenéis un paciente localizado. Qui n'a plus de chaîne. Que no tiene cadenas. Et là, vous appliquez la grille neuroarticulaire. Y aquí vais a aplicar el neuroarticular. Pero entonces, supongo que. Lo de la que pasado, ahora no lo hacemos y hacemos lo de la desparasitación neural y luego presuponemos que no tenemos cadenas neuromusculares y hacemos las cadenas neuroarticulares. Neuroarticulares y desparasitación neural. Eso es lo que hemos hecho ahora. De nuevo. Mais vous faites ce que vous avez sur le cas concret. Pour certains, ça va durer 10 minutes. D'autres, ça va être un peu plus long. Una pequeña pausa. Mare de Déu de la